Darko, on ne le présente plus, il est l'homme de toutes les générations. Togs lui a donné rendez-vous sur le quai de la gare de Vaucresson. Quoi de plus authentique que de se retrouver ici pour évoquer un parcours exceptionnel d'un graffeur qui nous a émerveillés tout au long de ces années avec son fameux crew, les FBI. Alors, ben, nous, on était sur l'ouest parisien déjà, donc un petit peu enfermé. Et puis, on dessinait en fait avec mes potes. Perso, moi, je dessinais depuis que j'étais tout petit. Goki, il était dans ma classe, en fait. Donc, on s'est trouvé à dessiner tous les deux et à s'intéresser un petit peu au graph. Moi, je traînais avec des gars qui faisaient des pochoirs et qui écrivaient des espèces de punchlines dans la rue. Donc, ils faisaient un peu du graffiti au sens large, quoi, ou du street art, si tu veux. Donc, j'ai fait des dessins, en fait. Je dessinais des espèces de persos, de BD dans la rue. Et pendant que j'étais en train de faire ça, en fait, il y a eu les premières musiques sur Radio 7, notamment. Et puis moi, j'écoutais beaucoup des Kraftwerk, forcément, sérieusement. Donc, j'écoutais beaucoup ça. Donc, ça m'a parlé. Je me suis mis à faire du break et des trucs comme ça. Et j'intégrais ce que je voyais surtout sur des photos et notamment dans des magazines qu'on ramenait d'Allemagne aussi, ou qui traînaient à l'école parce que c'est une école allemande. Et sur ces photos-là, on voyait beaucoup de tags dans les fonds, des bouts de pochettes de disques ou des trucs. Et comme j'avais vu Warriors, en fait, le film, au cinéma quand il est sorti en Allemagne, j'avais déjà consciemment vu et enregistré les graffitis, en fait. Et donc, du coup, j'ai intégré tout ça dans mes dessins. Mais on était un petit peu emprisonnés du côté ouest parisien. On ne bougeait pas du tout, même sur Paris, très peu. C'est mis à fond, c'est bon, c'est en fait. Et comme il n'y avait rien d'autre, une petite lumière était vierge. On était les premiers à prendre une petite lumière, notamment le West Side et sur mes ponts. Voilà. Ouais, on est présent sur la gare de Vaucresson quand même. Donc du coup, le West Side Kings qui avait juste sur le pont là-bas, le mur était à toucher en fait. Et du coup, nous on faisait nos trucs un peu sur là où on pouvait. Les premiers graphes c'était dans la rue. Et puis assez vite, on s'est mis sur les voies parce que c'était peut-être, enfin, on pouvait plus facilement se cacher de nuit. Et peindre plus tranquillement, même s'il fallait un peu faire attention. Mais il y avait quand même des gens qui le voyaient en passant devant et qui le traînaient. Je confirme. Voilà, et du coup, c'est ça qui nous intéressait, parce que les premiers graphes, encore une fois, c'était dans la rue, et du coup, on s'est fait courser les premières fois, on s'est fait courser à chaque fois, en fait, et du coup, c'était plus simple, peut-être, d'aller sur les voies ferrées, ce qui ne se faisait pas, enfin, en tout cas, on ne savait pas. Et puis, c'est un peu plus tard, en fait, vers les 84-85, c'est on a d'abord vu les palissades du Louvre, les berges de la Seine, et puis les palissades de Beaubourg aussi, où les gens peignaient un petit peu, mais il y avait tout était mélangé, que ce soit pochoir ou les trucs un peu rock punk alternatifs, on va dire, et puis des graphes. Et nous, on s'intéressait beaucoup plus aux graphes, puisque c'est le truc qui nous parlait le plus à travers la musique et donc cette culture qui était ramenée à cette époque-là. Et puis j'avais un pote qui avait ramené un catalogue d'expositions, et je trouve que c'est important de le dire. C'est une exposition qui a eu lieu à Munich où il y avait tous les ricains, en fait. Ah ouais. Lady Pink, Nock, Sin, ouais, le gratin. Tous les gens, tous les. Ouais. Ouais. Et c'est le premier bouquin de graffiti que j'ai tenu en main et que j'ai vu de ma vie. Et c'était un catalogue d'exposition. Ça, tu l'as plus ? Du coup, non, je ne l'ai plus. Ouais. C'était un pote à moi qui m'avait prêté, mais c'était pas le mien. Et du coup, il s'appelait Graffiti. C'était okay. un fond noir en fluo, graffiti marqué dessus. La galerie Thomas, ça s'appelle. Et bref, et donc du coup, ça, c'était le premier bouquin que j'avais vu. Et donc, nous, on faisait ça. Et puis, quand on avait vu qu'il y avait d'autres mecs qui faisaient la même chose, donc on a vu du Bongo, du Scam, du Lokis, du Scipion et les Baby Sheep. Uh-huh. Pour nous, c'était un peu de choc, mais dans le bon sens du terme. Ah, c'est ça. Il y a des gars qui faisaient, enfin, qui s'intéressaient au même truc que nous, et c'était ins. Et du coup, on a échangé des messages, notamment avec MBC, puis on s'est rencontrés aux palissades du Louvre. Voilà, à force de s'échanger les messages écrits, tagués, quoi, enfin, tagués, entre guillemets. Du coup, on les a rencontrés, et puis Sao, donc H, nous avait emmenés sur le terrain vague de la chapelle, donc Stalingrad, en 85, et c'est là qu'on a rencontré un petit peu tout le monde qui était là à cette époque, et on était quoi, une vingtaine. Et c'était comment l'ambiance alors, du coup? Très cool, hyper peace en fait, parce que déjà trouver des gens qui partageaient la même passion, que ce soit après qu'eux étaient plus intéressés par la danse, ou par le graphe, ou par autre chose, c'était pas grave, déjà tu partageais la même passion. Et du coup on est allé à la salle Paco Rabanne par exemple, qui à l'époque il y avait des graphes dedans, et les mecs s'entraînaient, puis il y avait beaucoup de danseurs là-bas qui s'entraînaient, et puis Stalingrad, parce que c'était un terrain vague, un peu dégueulasse, mais qui était devenu un peu on peut appeler ça un writer's band, un peu l'endroit où tout le monde se donne rendez-vous. Voilà, après c'était un peu loin par rapport à nous, donc on y allait régulièrement, mais pas tout le temps, on rencontrait pas beaucoup de gens au palissade du Louvre où ils étaient en train de construire la pyramide. Et on rencontrait en revanche des gens là-bas. Mais puisque c'était un petit peu loin et que on n'avait pas beaucoup, beaucoup de peinture, on préférait la garder en fait pour faire Manhunter sur la. C'est ça, ouais. Voilà, et après, il y a eu par la suite, mais ça c'est je ne sais pas combien de temps après, mais par la suite, on a pu voir d'autres tags ou d'autres personnes qui peignaient en banlieue ouest, quoi. Et du coup. Du coup, avec le temps, on a pu rencontrer des gars. Et puis, enfin, moi, perso, j'étais super content qu'il y avait des gens qui partageaient la même passion, en fait. C'était, j'aimais bien rencontrer des gens que je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer autrement, en fait. Et encore une fois, moi, je suis immigré en France. Donc, je suis dans cette école allemande, avec un microcosme, avec des gens qui venaient, qui restaient 2 ans, 5 ans maximum, qui repartaient. Donc le fait de rencontrer des gens en dehors de ce truc-là, pour moi, c'était énorme. Et puis encore une fois, de partager ce langage, cette culture, cette façon de partager la même passion, en fait, c'est super important. Et du coup, le fait de rencontrer des gens qui avaient cette même passion et de partager un moment avec eux, juste pour regarder mes photos ou aller voir mes pièces ou dessiner, ou parler d'anecdotes, ou aller peindre. Moi, c'était comme ça que je passais du temps, en fait. Ok. Bon, écoute, magnifique, hein. Alors, en termes de style, c'est un peu dur de parler de ce que tu fais, en fait. Ouais, au départ, comme je dessinais, je faisais des dessins à la con, hein, comme tous les gamins, puis un petit peu de BD, donc ça m'intéressait un petit peu, puis j'intégrais de plus en plus des trucs graphiques, des graffitis, des tags, des lettres, qu'est-ce qui m'intéressait dans les petites BD que je faisais, c'était tout le côté graphique en fait, les cases, les machins, enfin. Et ça, je trouvais ça assez drôle, et du coup j'ai mis tout ça de côté pour garder que les graphes en fait. Et donc encore une fois, au départ, les seules références que j'avais, c'était Warriors, le film, des photos ou des vidéos de trucs qui passaient, je ne sais plus lesquels, mais Buffalo Bands peut-être, Renegades of Fun peut-être. Il y avait des photos de magazines de jeunes, en fait, où il y avait des Rocksteady ou les New York City Breakers avec dans le show, en fait, t'avais des. Ah, c'est ça, le lien danse et graffiti, évidemment. Et du coup, j'aimais bien ça et j'intégrais ça et je me suis concentré là-dessus. Mais ce que j'aimais bien faire au départ, en tout cas, c'est de mettre en scène, en fait, quelque part, les lettres. Donc, je prenais des lettres qui étaient pourries, un peu inventées, un peu n'importe quoi, un peu copiées par-ci, par-là, copiées aussi sur des publicités ou des trucs de BD. Gaston Magaffe, par exemple, ou je sais pas, des, des trucs à la con comme ça, quoi. Et puis voilà. Et puis en intégrant chez Blood Graffiti, qu'on voyait donc principalement des trucs qui étaient de New York. Mais j'aimais bien les mettre en scène, je sais pas, ou les mettre dans un sur un rocher, ah ouais. C'est pas des trucs comme ça, bref. Et puis à côté, je dessinais quand même quelquefois des personnages de BD que je faisais, ou des espèces de trucs, ou qui avaient des espèces de poses de danseurs, des espèces de Ouais. B-boy, en fait, Ouais. sans savoir que c'était des B-boy, en fait. Bref. Et du coup, après, quand on a découvert qu'il y avait d'autres gens qui faisaient ça en Ile-de-France, ou à Paris, le fait de voir notamment les BBC, les Crime Time Kings, Scipion et Russe, voilà, et ces gars-là, ça te met une claque, et donc forcément, t'absorbes un petit peu tout ça. Ah, ça te challenge aussi, quoi. Ça Ça te pousse le niveau. challenge, tu t'intègres des trucs dedans, donc du pécho, tous les trucs qui se voyaient à cette époque-là. Et puis après, j'ai essayé quand même assez rapidement avec Gocky et Scale. On passait des nuits blanches entières à dessiner pour essayer de trouver tel ou tel net, tel gignet, tel installation. Après, pour essayer de changer quand même un peu à notre sauce, quoi, Mais ouais. une harmonie entre des formes et le rythme des lettres. Et on se refilait nos noms, par exemple, je faisais les noms de Gocky, qui ne s'appelait pas Gocky encore à l'époque, ou de Skane, et vice-versa. Et du coup, on sortait des blases de l'un ou de l'autre, ou telle lettre, ou tel truc, ou comme une flèche, ou un bout. Ah, il y avait un apport en général dans. Voilà, et puis on échangeait, on passait des nuits entières à dessiner des bouts de trucs, pour essayer de trouver quelque chose, un truc. Voilà. Et quand on avait un petit peu de peinture, on s'entraînait à faire des traits droits, des traits horizontaux, des traits verticaux, des étoiles, des lumières. Mais pendant des heures et des heures, on vidait des bombes juste en faisant des étoiles, quoi. Et une fois qu'on avait peint, je sais pas, la chambre de Gauthier, par exemple, où moi, je peignais dans des parkings souterrains que personne Hein? ne voyait, des câbles, juste pour m'entraîner, en fait. C'est Et ça. puis, la nuit, quelquefois, je faisais des conneries dehors, mais ce n'était pas encore vraiment des pièces, c'était Oh. des Et trucs. l'évolution, alors pour toi, tu penses qu'elle est arrivée au bout de. Il t'a fallu combien de peintures en gros? Je ne sais pas du tout. Ouais. La première pièce, vraiment, je l'ai faite en 84. D'accord. Et avant ça, peut-être pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait un peu du n'importe quoi. Ouais. Aujourd'hui, on appellerait ça du street art, parce qu'il y avait Ouais. du pochoir, il y avait des dessins, il y avait de l'écrit, il y avait des Okay. symboles, des trucs. Mais ce qui m'intéressait, quand même, c'est de peindre à la main levée, et donc de maîtriser Ah, c'est ça. ce contour. Et du coup, la première pièce que j'ai faite, c'était en 84, avec un pote. J'ai commencé, on s'est fait pour Muse et du coup, on s'est fait pousser. Donc, il restait un peu de peinture, donc j'ai fini. En fait, j'ai refait la main peinte Nature les années de son droit. J'ai montré ça tout fier à mes potes, et notamment Gocky. Donc, on a décidé qu'il fallait absolument continuer. Donc, on a fait une autre pièce avec Gocky le soir, avec le même pote, ce qui était une fusillade toujours. Et on a fait une espèce de danseur dans lequel on était avec d'autres potes. Après, on a fait d'autres graphes toujours dans la rue, avec les potes danseurs qui nous aidaient ou à surveiller ou à remplir. Là, Gocky n'était pas venu, et puis ainsi de suite, on a D'accord. continué. Et puis encore une fois, on a vu beaucoup de trucs de New York au départ, notamment des Anime Queen, Gordy, avec Real Scheme, Final Machine, enfin tous ces mecs-là, tous les mecs de l'époque, quoi, Shy, bref. Et puis la claque, c'était vraiment en 85, quand on a vu les palissades déjà, Ouais. le fait qu'il y avait d'autres gens qui s'intéressaient à ça. Et là, en fait, on s'est forcément intéressé à ce qu'on faisait aussi, on a forcément intégré ce truc-là. Et puis par la suite, on s'est entraîné C'est ça. à faire des trucs un peu à nous, quoi. Et à faire un truc, voilà. Et après, on a effectivement vu, mais des années après, qu'il y avait des gens qui s'inspiraient de ce qu'on faisait, et notamment parce qu'on allait régulièrement en Allemagne. À l'époque, il y avait les partout en train, et du coup, Gorky était parti un peu comme ça. Et moi, j'étais parti à Munich. Là-bas, on avait rencontré Camtou et Zebster qui dessinaient à l'époque, qui gagnaient pas encore. Ils faisaient de l'aérographe, en fait. Et ils dansaient. Et du coup, on avait été contacté avant par Mythe et Camtou, qui étaient venus en France, et on avait parlé avec eux. Et du coup, on échangeait aussi le style avec eux. Et moi, je suis allé à Munich peindre, notamment avec Mythe, Skirm, Neon, enfin, tous ces gars-là. Mais là, t'étais déjà sur un level. Ah ouais. Et du coup, on a peut-être un peu, en tout cas, on a passé beaucoup de temps avec eux. Encore une fois, c'est un échange constructif, quoi. C'est ça l'idée. Hein. Voilà. Et puis, Gauthier a passé quelques mois avec Zebster. D'accord. À faire le tour de l'Europe et à attendre partout. Ok. Ça a pris mon tour. Comme ça, et on a passé beaucoup de temps en Allemagne, surtout à Munich, lui un peu partout, et notamment à Gießen avec des mecs comme Tran qui ne peinent plus aujourd'hui, Skid, qui ne peinent plus aujourd'hui. Skid, je crois qu'il fait de l'aérographe encore sur une voiture, des trucs comme ça, mais plus de graffiti depuis très longtemps. Tran, ça fait au moins 20 ans que j'ai entendu parler. Mais bref, et donc on a passé beaucoup de temps à rencontrer des Allemands, et notamment il y avait les petits frères, donc encore quelques temps après, les petits frères d'une copine à moi, à qui j'ai appris à dessiner en fait quand ils étaient gamins, et ils sont repartis à Stuttgart après, et aujourd'hui ce sont des références du style de Stuttgart. Ah ouais, c'est assez drôle. Ah, comme quoi il y a l'héritage, voilà, transmission qui fait que... Ah, c'est magnifique. C'est le temps avec des gens, parce qu'on a voyagé, enfin, dès le début, de par le fait qu'on n'était pas français et qu'on voyageait naturellement, on va dire, et cette espèce d'intérêt de voir ailleurs ce qui s'y passe. Et moi, ça m'a passionné de voir comment le même langage et la même culture puissent être vécu dans des endroits totalement différents et sans mentalité différente. Et c'est un des trucs qui m'a fait aimer cette culture-là, c'est de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. Ces jeunes-là, le jeune à qui t'as un petit peu éduqué ou transmis, tu t'es en contact avec lui Non. En tout cas, c'est génial d'avoir pu transmettre. Après, j'ai rencontré des gens qui viennent de là-bas et qui, eux, ont été des personnages hyper influents, style local, machin. Et c'est drôle, parce que toi, tu t'en aperçois pas du tout. Et quand tu passes du temps, Gorky a passé énormément de temps avec Specter, qui aujourd'hui est réalisateur à Berlin et producteur de musique. C'est drôle, c'est non. Ok. Alors, donc c'est pas un récit de la journée, mais je me souviens très bien de Prigov, qui est quand même super gentil, qui était venu une première fois avec Chalfant, en fait, prendre les photos, enfin des photos pour faire Sprechen Art sur Paris. Et donc, du coup, on avait rencontré les deux dans le terrain vague de Stalingrad, enfin de la chapelle Stalingrad, ça dépend comment on l'appelle. Mais j'avais gardé contact avec les deux, en fait, parce que je les avais trouvés plutôt sympathiques. Et du coup, Prigov est revenu quelques temps plus tard pour continuer à documenter ces trucs, c'était sa passion. Il documentait tout ce qui est art, mural, graffiti, depuis des décennies, en fait. Et lui habitait à Sacramento, mais du coup, il est venu à Paris. Et du coup, il m'avait demandé si je pouvais prendre un petit peu de temps pour lui montrer un petit peu ce qui se passait sur Paris. Et du coup, il était venu me voir. On avait déjà fait le tour des potes, en fait, du coin, et des gens qui partageaient un petit peu la même passion. Et puis après, j'ai fait plusieurs tours, en fait, avec lui, dans la région parisienne, parce que pas seulement Paris, parce qu'on parle souvent de Paris, mais en fait, on veut dire la région parisienne. C'est parfois un petit peu dommage de uniquement à Paris intramuros. Puisque pour un étranger tel que Prigoff, Paris, c'est l'île de France, en fait. Et du coup, on avait fait un petit peu il avait loué une voiture et j'avais fait le tour avec lui pour lui montrer des endroits en particulier, etc. etc. Et du coup, David était là, il nous a accompagnés un petit peu pendant une journée, en fait, pour aller voir différents endroits. Et du coup, c'est comme ça que Prigoff avait pu découvrir une partie de ce qui se faisait, notamment en banlieue ouest, mais pas seulement. On avait pu voir un petit peu les endroits, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, puisque Stalingrad n'existait plus. Et du coup, il y avait très, très, très peu d'endroits où les gens peignaient. En fait, nous, on peignait quasiment exclusivement sur la ligne. Ou dans la rue d'ailleurs, parce qu'on n'a pas fait que la ligne Saint-Lazare, on en a fait d'autres. La plupart du temps en banlieue ouest, mais pas que non plus. Et puis on a voyagé aussi. Donc du coup, j'ai aimé aussi les contacts de diverses personnes à l'étranger. Et je ne sais plus où il a été ensuite. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qu'il a pu rencontrer. Lors de son passage, et puis avec qui il a gardé contact jusqu'à il y a peu de temps où il est mort. Ok, bon, super. Donc, alors quand je dis nous, c'est FBI, Scale, Goki, un peu aussi, Croyne. Ah oui. Voilà, en fait, on a principalement peint sur les bois chérés à l'ouest, alors pas seulement. Paris Saint-Lazare, enfin, pas seulement cette ligne-là, mais okay. Bref. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de cette fameuse ligne Paris Saint-Lazare, mais c'est vrai que vous avez on a capacité, exactement. On a pensé dans vos prêches, mais voilà. Mais beaucoup sur les voies ferrées, ce qui se faisait peu à l'époque. En fait. Et du coup, je regardais le graffeur. Donc les lignes, notamment celle-ci, je l'ai fait des Saint-Lazare. Parce que souvent, on faisait toute la nuit à pied, on checkait une tente, on garbait pour aller prendre, pour matisser. Et du coup, dès qu'il y avait un nouveau truc, un tag, une machiche, un machin, on le remarquait forcément. Et que ce soit en train, le jour, ou à pied, quand on y allait, quoi. Et du coup, on remarquait tout ce qui s'y passait. Et alors, je ne pouvais pas te dire exactement vers quelle période. J'ai commencé à voir d'autres tags, et puis on a rencontré quand même des gars qui étaient plus jeunes que nous, mais qui s'intéressaient à ce qu'on faisait, et à qui on a montré deux, trois techniques sans prétention, hein, mais de ce qu'on faisait, juste pour faciliter un petit peu ou raccourcir le chemin. Et du coup, j'ai mis des tags, surtout des tags, des pièces. J'avais remarqué des pièces en argent au départ, parce que c'était plus facile, ouais, sur les murs pourris qu'on avait, de peindre en argent. Mais voilà, et des pièces, mais non, les voies ferrées. Et du coup, c'était cool qu'il y avait des gens autres que nous qui commençait à faire ça et qui était, alors à l'époque peut-être qu'il y avait un an de moins que nous, ou peut-être un petit peu plus, mais à l'époque c'était énorme. Et du coup, ça m'avait ouvert les yeux et donné envie, en fait, de rencontrer un petit peu plus de gens. Et après, j'ai eu un procès quand même à la fin des années 80 qui m'a beaucoup freiné, qui m'a fait me renfermer sur moi grave. Puisque comme j'étais balancé, en fait, je suis devenu un peu parano quand même. Et du coup, je me suis un peu. Enfin, je suis introverti à la base, donc du coup, ça ne m'a pas aidé. Mais dès que j'ai pu rencontrer, grâce à un concours de circonstances, divers et variés, en fait, des gens qui faisaient la même chose, ben, j'en ai profité Ouais. pour partager un moment, quoi. Ok. Alors, la technique. En général, comment ça se passait? On se donnait rendez-vous quelque part, donc souvent chez Gokin ou chez Scale. Et en règle générale, on passait la soirée ensemble, on faisait des conneries, on jouait aux jeux vidéo, on dessinait, on parlait, on prévoyait le truc, on avait choisi un endroit, on avait repéré un endroit. Ouais. Et puis, par exemple, après manger, on s'asseyait, puis on dessinait, on préparait l'esquisse pour le soir, en fait. Et puis, du coup, enfin, je ramenais mes peintures, enfin, tout le monde ramenait les siennes, on les mettait en commun, puis on choisissait un petit peu, en fonction de ce qu'il y avait, le concept de couleur qu'on voulait faire. Parfois, on pouvait mettre en commun et on avait à peu près le même truc, et parfois pas du tout. Mais on essayait de prévoir quand même une peinture. Ouais. Même si chacun faisait son truc, par exemple, Scale, il a fait un truc en turquoise et gris. Moi, j'avais fait un truc en bleu et beige. Mais on avait un fond un peu qui se rejoignait, C'est qui se ça. parlait. Et du coup, ça faisait quand même une peinture. Ou en tout cas la combinaison d'un truc qui faisait un truc. Et du coup, souvent on essayait de faire des trucs en commun, ou comme ça, donc on dessinait comme ça, et puis on prévoyait, voilà. Ou alors, souvent je me retrouvais à faire les lettres. Donc je faisais les lettres. Donc il y en a un qui faisait un peu ma pièce, c'était souvent une phrase, Ouais. comme The Wild West Barbarian. Exact, ouais. Ou Power to the Lords, ou des trucs comme ça. Donc moi, je faisais les lettres en règle générale, et puis les autres, ils faisaient les persos, le fond, Ouais, le d'accord. remplissage, le machin. Et donc le temps que je fasse toute l'esquisse, après, pendant que les autres remplissaient, moi, je faisais un peu de fond ou des trucs en attendant. Et dès que je pouvais, dès qu'il y avait le temps, bah, je faisais les contours, OK. et les lumières, et les trucs comme ça. Donc on avait un peu ces deux façons de faire. Comme pour le West Side Kings, voilà, c'était un peu ça le Ah, le truc. déroulé, c'était ça, ouais. Voilà, D'accord. et du coup, en règle générale, on se donnait rendez-vous. On passait du temps ensemble parce qu'on était potes, et puis après, une fois que c'était fin l'heure de la préparation, ben, on préparait le truc, on avait nos esquisses prêtes, on préparait les couleurs parce qu'en règle générale, tu vois rien. Ouais. Et puis on y allait. On avait quand même un peu Ouais, c'était prévu méthodique quand même, il y avait l'esquisse. vraiment, Ouais, ouais. sinon, tu passais trop de C'est ça. temps sur place. T'as pas le temps. C'est dangereux pour plusieurs raisons. T'as pas envie de te faire alpaguer non plus. Et puis, il faut savoir ce que tu fais. T'as pas le temps de parler et de demander, tiens, il est une drôle. Donc, tu sais le rouge, même si tu vois que du gris, en fait, tu sais où il est. Ouais, c'est ça. Donc, parfois, bah, c'était du vert, mais c'est Ouais. pas grave, en fait. Mais on avait Tu prévu le t'adaptes. plus possible le truc. Et du coup, Voilà. vous reveniez après, vous repreniez les photos le lendemain, vous faisiez comment? Bon, alors moi, à l'époque, je n'avais pas d'appareil. Ouais. À l'époque, les photos, enfin, l'archivage en soi, en fait, ce n'était pas du tout le truc. On passait devant. Il y avait du jetable, mais c'était Ouais, compliqué. c'était. Oui, mais enfin, moi, je n'avais Ouais. pas d'appareil, ou alors Ouais. jamais du 110. De merde, quand j'en avais, ce Ouais. n'était pas tout le temps. Il y a des gens qui prenaient photos. On gardait très peu de choses. Ah ouais. Vous n'étiez pas dans l'esprit d'archiver, en effet, dans le book. Non, non, non, Ouais. c'était pas du tout le truc. Et puis, le truc, c'était déjà l'action. Et ensuite, le fait de le voir, de Ouais, c'est ça. l'offrir, cette peinture-là, Ouais, c'est ça. genre, et de voir peut-être la réaction de certains, C'est ça. qui était positive la plupart du Ouais, temps, ouais. hein, surtout à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore le. C'était pas encore connoté banlieue, banque, négatif, machin. Au tout début, ça ne l'était pas. Ça s'est devenu un peu connoté comme ça, vers le milieu, fin des années 80, en fait. Et du coup, les réactions, en général, étaient positives. OK. Et puis, les gens, en général, préfèrent un mur coloré à un mur gris, terne, qui ne l'asse pas. Mais bref, au-delà de ça, voilà, c'était prévu. Disagree notre passe-temps, parce que dans ce moment, on s'est pas prévu. Décembre. Ce n'est que de la peinture, hein, on casse les jambes à personne. Non, exactement. Ok. Le fait, enfin, quand tu fais une peinture, le lendemain, tu reviens et tu t'aperçois, et tu analyses ta peinture, et tu t'aperçois toujours que tu as fait plein de fautes, que tu t'es planté, tu n'as pas pris le rouge mais le vert, que tu as oublié tel ou tel truc, et que tu as raté tel ou tel machin, qu'il y a une couleur à tel ou tel endroit. Et du coup, j'ai toujours été déçu de toutes les peintures que j'ai faites, parce que je pouvais toujours, à l'époque en plus, il fallait toujours encore plus clean. Etc., etc. Et du coup, c'est même heureusement que tu es déçu à chaque fois, parce que c'est ça qui te motive pour recommencer et faire mieux après. Et je pense que, encore aujourd'hui, hein, le jour où, même si je mets plus autant d'accent sur le fait d'être super clean, parce que je l'ai fait, ou sur telle ou telle chose, mais, je suis tout le temps déçu, en fait. Et c'est ça qui me fait continuer. Et le jour où je serai devant une peinture et je me dis, voilà, oh, c'est exactement ce que je voulais faire, bah, je ferai peut-être autre chose après. Mais c'est ça qui fait continuer, en fait. En fait, les rencontres, sans parler des rencontres spécifiques, mais ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure du temps qui passe, quoi, et des peintures. Par exemple, on avait fait des graphes à tel ou tel endroit, et puis quelques temps après, en y repassant pour les voir, ou des choses comme ça, ben, on s'apercevait qu'il y avait un autre graphe, des tags autour, des trucs comme ça. Puis le fait de rencontrer ces gens-là, en fait, moi, ça m'amusait beaucoup parce que quand tu vois des graphes de quelqu'un, tu t'imagines une personne, en général très grande, très balèze. Et parfois, tu rencontres des gens qui correspondent ou ne correspondent pas du tout à ce que tu imagines. Et je trouvais ça intéressant, en fait. Et encore une fois, tu rencontres des gens qui sont très, très différents et avec qui tu aurais peut-être même d'affinité autre que celle-ci. Et du coup, ça, pour moi, en tout cas, ça t'élargit l'esprit et la vision en général. Et du coup, j'ai venu. Sans nécessairement le provoquer, mais par la force des choses, quand l'occasion se présentait, en fait, rencontrer des gens, partager peut-être des moments avec eux qui viennent de l'Ouest ou du même coin que nous, à quelque chose près, hein, ou pas d'ailleurs, que ce soit dans notre pays, que ce soit de l'autre côté de Paris, ou peu importe, mais en tout cas, ça m'intéressait de voir que. Il y avait des gens qui sortaient de tout contexte, quel qu'il soit, et qui s'intéressaient au même truc. Et du coup, de pouvoir partager ça, et encore une fois, partager un moment, ne serait-ce qu'en allant peindre un mur ensemble de jour, ou dans une MJC, ou de faire une mission de visite. Moi, je trouvais ça intéressant. Et après, moi, j'avais pas de jugement à faire, en fait. Voilà, c'est les gars, ils peignent, les gars ou les gars, peignent. Ils sont là, ils partagent la même passion, la même. Ils passent du temps avec les mêmes choses que moi, en dessinant, en peignant, etc., etc. Et puis, on pouvait peut-être se faire une après-midi plutôt sympathique entre le passionné du même truc, quoi. Et puis voilà, donc ça, c'était intéressant pour moi de rencontrer des gens. Après, il y a des gens avec qui ça ne t'accroche pas, puis d'autres avec qui ça se passe bien. C'est C'est ça. cool. OK. Alors, l'héritage, c'est compliqué. comment Le dire? genre. Bah, le temps passe, a passé, les gens ont évolué. On essaie de garder contact avec la plupart. Avec certains, on se perd un petit peu plus de vue que d'autres, mais on partage comme enfin le groupe existe toujours. C'est une grande période très importante de notre vie. Tu vis quand même des choses relativement intenses, avec toutes les contraintes possibles, imaginables, les galères. Que tu peux assimiler à ce genre de choses. C'est quand même une activité qui est partiellement illégale, mais pas que. Par la suite, j'ai quand même décidé d'en faire mon métier et voilà, de devenir artiste et de gagner ma vie avec ça. Indirectement, en tout cas. Et puis voilà, donc après. je pense que pour la plupart des gens du groupe, mais au-delà de ça, même la plupart des gens qui sont passés par ça, pour moi, j'ai toujours considéré que le graffiti writing est une superbe école. Et je connais énormément de gens qui, grâce à ça, sont devenus, par exemple, artistes, mais par exemple, réalisateurs, photographes, designers, illustrateurs, architectes, ou autres, ou animateurs de quartier, ou organisateurs d'événements, ou je ne sais pas, enfin, des trucs qui sont directement ou indirectement liés avec cette activité positive qui est de peindre et toutes les activités annexes qui sont dessinées, prendre des photos, archiver, et puis au-delà de ça, même peut-être via la musique, parce que ça, il y avait un gros potentiel, en tout cas en Europe. C'était quand même un gros véhicule, la musique, la danse, l'expression corporelle. Pour certains, c'est le théâtre, pour d'autres, c'est le spectacle vivant, etc., etc. Il y a énormément, énormément, énormément de gens, et je pense que c'est une majorité qui, sans ça, auraient été très frustrés dans leur vie, je pense, et qui auraient peut-être même pas nécessairement trouvé un vrai but dans leur vie. Donc je pense que même si, pour parler que du groupe, on a évolué, la plupart peignent encore, mais pas seulement. Il y en a qui sont réalisateurs, il y en a qui font autre chose, mais on sent quand même ce truc-là. Et encore une fois, on est à la base, on est une bande de potes, mais pas un groupe à rallonge, les gens ne se connaissent plus. On est une bande de potes, on a passé du temps ensemble à faire autre chose que ça. On se connaissait d'avant le graffiti, pour la plupart. Et du coup, forcément, on garde contact le plus possible avec la plupart de ces gens-là. Et même si on se perd un petit peu de vue pendant une certaine période, on est très content de se retrouver et de repenser à ces moments très forts et très intenses qu'on a pu vivre ensemble grâce à tout ça. Okay.